comme la L. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. V'là du gros son revisité par la tessie des peupliers. Chevalier en armure s'apparentant au templier. Le temps figé donnera raison à nos écrits estampillés. Et toute la classe politique se fera bousiller. Alors à quoi bon crier, prier, rêver? La vérité tu la connais, voter lors de l'assemblée. Préparez-vous à l'attaque des cavaliers de la rime. Ici on shoot Le Pen et on retourne Marine. Sa gueule au fond de la piscine dans sa petite bulle marine. Avec un rail de coq logé au fond des narines. Son parti sème la haine et la confusion dans les esprits. Sème la haine au cœur de toutes les tessies. Sème les graines et ne récolte que des fruits pourris. T'aimes la France mais n'aimes pas ceux qui l'ont bâti. Alors c'est avec violence que t'agis, que t'agis. Et cette même violence qui t'anéantit. Grève pourrie, si ton vote penche en faveur du FN, nous on rêve d'une France en harmonie avec elle-même. Pas d'une oligarchie ou d'un parti tenant le monopole. Ici on est tous français, nés sur le même sol. Tu vois ce que tu veux et tu entends ce que tu veux entendre. C'est dans la mixité que l'on peut comprendre et apprendre. Comprendre et apprendre à pas se faire descendre. La gauche, la droite, le centre et l'extrême droite n'ont qu'un seul but, nous mettre à quatre pattes. Leurs discours sont souvent faux et leurs positions pas nettes. Je me dois d'utiliser le politiquement incorrect. La gauche, la droite, le centre et l'extrême droite n'ont qu'un seul but, nous mettre à quatre pattes. Leurs discours sont souvent faux et leurs positions pas nettes. Je me dois d'utiliser le politiquement incorrect. Incorrect comme la manière dont ils se comportent. Une fois élu, c'est sans problème qu'il te laisse à la porte. Y'a pas de sonnette, pas de clé et pas de boîte aux lettres. À ce moment précis que mais tu sens que tu t'es fait mettre. Tout n'est que paraître. Politique et illusion, un cercle où règne en maître. Corruption et pognon, et c'est pas Sarkozy et sa putain de vision qui changera nos vies. Non. Un con ça reste un con, et pour embrouiller, il parle de droite, de décomplexé, de gauche caviar, d'abus d'autorité, ça on le sait. Chaque président, chaque ministre ne cherche qu'à s'enrichir, et ça aucun par le passé ne pourra me contredire. On a peur pour l'avenir, le nôtre et celui de nos enfants. On s'en fait pas pour Chirac ou Madame Mitterrand. On n'entre pas dans le rang de la mouvance populaire qui croient en tous ces gens et se retrouvent plus bac à terre. On sait depuis longtemps tout ça ne sert qu'aux classes riches. Eh ouais. Donc nous pour exister on sort pas sans un pied de biche. On prendra l'Elysée comme d'autres ont pu prendre la Bastille. Des têtes vont tomber et ça me paraît plus qu'utile. La gauche, la droite, le centre et l'extrême droite n'ont qu'un seul but, nous mettre à quatre pattes. Leurs discours sont souvent faux et leurs positions pas nettes. Je me dois d'utiliser le politiquement incorrect. La gauche, la droite, le centre et l'extrême droite n'ont qu'un seul but, nous mettre à quatre pattes. Leurs discours sont souvent faux et leurs positions pas nettes. Je me dois d'utiliser le politiquement incorrect. La gauche, la droite, gauche, droite. La gauche, la droite, gauche, droite. La gauche, la droite, gauche, droite.